Bonjour, c'est Jean Lebrun. Un bonus que nous vous offrons à la marche de l'histoire après l'émission consacrée au Kerguelen, en compagnie de François Garde, qui fut administrateur des terres australes et antarctiques françaises. L'un de ses prédécesseurs enregistré en longueur en 1956, Francis Armengo. L'archipel des Kerguelen comporte une île principale et de nombreux îlots qui sont accolés à cette terre principale. L'ensemble de l'île est très montagneux, ou plus exactement de relief très accidenté, très tourmenté. Vous nous aviez dit dans toute première conversation que ça représentait environ la superficie de la Corse. Environ la superficie de la Corse. Mais alors des côtes excessivement découpées... C'est encore plus accidenté que la Corse. Accidenté, je ne sais pas, le point culminant des îles Kerguelen se trouve à 1960 mètres. Oui. Ça doit être à peu près, je ne sais pas quel est le point culminant de la Corse. Mais enfin, il y a surtout un horrible enchevêtrement de la terre et de la mer, de profondes vallées entre les montagnes. C'est essentiellement de nature volcanique. De grandes coulées basaltiques, horizontales, sont placées les unes sur les autres et se terminent par des parois verticales, des falaises. Ce sont des canyons, somme toute. Oui, c'est un peu cela. Des falaises, qui ne sont pas forcément des falaises au bord de la mer, mais n'importe quelle vallée se termine la plupart du temps par une paroi verticale. Et il y a des rivières qui coulent dans ces... Il y a énormément de rivières et de lacs. Oui. Les rivières et les lacs sont d'ailleurs plus des torrents, étant donné la brièveté de leur longueur et de la nature du terrain. Aucun point de l'île n'est à plus de 30 ou 35 km de la mer. Les lacs sont de deux natures. Vous avez dans les montagnes des lacs de vallée qui sont généralement très profonds, ou tout au moins relativement profonds. Il y en a que nous avons sondés, et nous avons trouvé des sondes de 30 et 40 mètres. Ceci dans la partie montagneuse. La seule partie plate, la presqu'île Courbet, couvre, mettons, environ le cinquième ou le sixième de la surface totale de l'île. Elle est légèrement moutonnée. Ce sont des restes de moraines. Là encore, il y a des quantités de lacs, mais des lacs qui sont très peu profonds. C'est à peine si on peut leur donner le nom de lac quelquefois. Ce sont plutôt des mares qui font les unes plusieurs hectares, même certaines quelques kilomètres carrés, alors que d'autres ne font que quelques dizaines de mètres. Des tourbières entourent tous ces lacs, et ma foi, il n'est pas toujours bon de s'y promener tout seul dans ce coin. Il nous est arrivé aux uns et aux autres de nous sortir de la vase où nous étions tombés jusqu'à mi-ventre. Est-ce qu'il y a une végétation qui entoure ces lacs ? En montagne, il n'y a pas grand-chose comme végétation, quoique les spécialistes trouvent des plantes à droite et à gauche, et nous-mêmes nous en voyons. Alors que dans la partie basse, il y a pendant 6-8 mois de l'année, de très beaux tapis de végétation. La Sena, c'est une rosacée rampante. Au fond, ça ressemble à de la luserne. Une luserne qui atteint 30-35 cm de haut à la belle saison, en fin de la belle saison, au mois de mars. C'est une plante qui arrive même à un développement tel et qui est tellement serré que nous pouvons la faucher à la faucheuse mécanique pour l'alimentation de nos animaux. Bon, mais alors nous reparlerons des animaux une autre fois, si vous voulez bien. Je voudrais vous demander maintenant, vous nous avez dans notre première conversation fait allusion au fait que c'était non pas un pays extrêmement froid, puisqu'il est à la latitude, je crois, de Calais, dans l'autre hémisphère. Oui, à peu près. N'est-ce pas, à peu près. Mais que par contre, le vent y est un ennemi redoutable. Oui, le vent, c'est l'ennemi permanent de Kerguelen. Pendant 3 semaines, pendant 25 jours du mois, le vent souffle à des vitesses qui atteignent 50, 60 km heure. Ce n'est pas ce qu'on appelle de la tempête à Kerguelen, alors qu'en France, oui, ça prend déjà cet aspect. Les véritables tempêtes de Kerguelen, nous en avons 4, 5, 6, 7 par mois, 10 par mois, atteignent 100 km à l'heure, 120, et j'ai très souvent vu, tous les mois on voit des vitesses de 130, 150 km heure. Avez-vous pu déterminer quelle est l'origine de ces vents ? La proximité du pôle sud, peut-être ? Je ne parlerai pas de la proximité du pôle sud. D'ailleurs, vous me posez une question très embarrassante. Et comme il doit y avoir quelques météorologistes à l'écoute un de ces jours, et ils pousseraient des écrits si j'empiétais sur leur domaine. Mais enfin, je me suis occupé de la chose. Ce sont naturellement ce qu'on appelle les fameuses dépressions, les fameuses perturbations qui passent. Elles prennent un caractère particulier, peut-être, dans ces régions. Je ne sais pas trop le pourquoi de la chose. Mais enfin, leurs résultats sont là. Oui. Est-ce qu'on dit du vent là-bas comme au Sahara qu'il est la respiration de ce pays-là ? Parce qu'au Sahara aussi, c'est un ennemi redoutable, le vent. Ça n'est plus une respiration, c'est un balayage. Un véritable balayage, certains jours. J'ai vu, sous le vent, des choses auxquelles on a peine à croire en France. Des fûts de gazoil, vite, je précise tout de même, des fûts de gazoil, je les ai vus remonter des collines, se déplacer pendant des centaines et des centaines de mètres sous la poussée du vent. Oui, ça représente déjà un certain poids, quand même. Un fût de gazoil pèse un minimum de 30 ou 40 kilos. Et oui, c'est justement. Mais dites-moi, je vous admire d'être allé dans ce pays-là, ça ne semble pas très engageant pour nous qui, malgré tout, après l'hiver que nous venons de subir, vivons dans un pays dit tempéré. Mais comment pouviez-vous résister justement à ces tempêtes de vent? Et quel était l'état de santé, aussi bien de vous-même que de vos camarades là-bas? Résister aux tempêtes de vent, il est bien entendu que les jours où le vent soufflait à 70, 80, 100 à l'heure, nous ne pouvions pas travailler dehors, ce qui n'empêchait pas beaucoup d'entre nous, quand c'était nécessaire, de sortir pour aller faire du ravitaillement ou d'autres choses. Je pêchais des moules, par exemple. Mais le vent est pénible, on s'y habitue. Des lunettes sont nécessaires pour ne pas recevoir trop de gravier dans la figure. Oui, il soulève du sable. Mais vous me parliez de la santé. Nous avons tous une santé excellente là-bas. Aucun des troubles consécutifs au froid. En 3 années que j'ai passé là-bas, 3 années et demie, une fois avec 25 hommes et 2 autres fois avec 50 hommes, je n'ai jamais vu chez les uns ou chez les autres un rhume. Jamais vu une bronchite. Jamais vu une pneumonie. Aucun phénomène pulmonaire ou de la gorge. Et pourtant, le nombre de fois où nous avons été trempés les uns et les autres, et trempés pendant des heures, je dirais. En France, on n'aurait plus qu'à se mettre au lit et à appeler le médecin. Là-bas, rien, rien, rien. Ça tient sans doute à l'absence de microbes. Ça tient certainement à l'absence de microbes. Parce qu'il y a également autre chose. Là, c'est une question de climat, purement, simplement, sans doute. Mais, par exemple, en travaillant à droite et à gauche, à nos constructions, nous avons naturellement eu quelques petits accidents. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident grave. Mais nous nous sommes tous donné des coups de marteau sur les doigts. Nous nous sommes tous coupés avec un ciseau à bois, avec une scie, enfin, pas eu d'accident grave. Mais ces blessures ne s'enveniment jamais. Il suffit de les laver, on les protège par une petite bande pour ne pas redonner un deuxième coup de marteau sur celui qui a déjà atteint le doigt. Mais jamais de suppuration, ça se ferme tout seul. Les seuls ennuis de santé que nous ayons jamais eus sont des ennuis que nous transportions avec nous, par exemple. Un monsieur qui avait eu la dysenterie 5 ou 6 ans au préalable, alors que lors d'un séjour en Afrique, il lui arrivait d'avoir un réveil de dysenterie. Nous avons eu à déplorer une ou deux appendicites aussi. Mais ça n'est pas... Vous aviez un médecin capable d'opérer le... Ah, nous avons eu chaque fois un médecin, oui. Et un médecin chirurgien en même temps. Oui, oui. Et il a eu l'occasion d'intervenir. Il a eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois. Nous avons un hôpital d'ailleurs qui est bien installé, avec salle d'opération, salle de radio, et naturellement tout le stock de médicaments nécessaires. Eh bien, souhaitons que cet état de santé se continue aussi favorable et que nous n'apportions pas là-bas les microbes qui n'existent pas. Vous les apporterez peut-être, nous les apporterons peut-être, mais je crois que le vent les chassera. Nous allons poursuivre notre conversation avec M. Francis Armingaud sur les îles Kerguelen. Aujourd'hui, je voudrais demander à M. Francis Armingaud si, en dehors de ces animaux sauvages, ils n'ont pas emporté là-bas quelques animaux domestiques et comment ils ont réussi plus ou moins à les acclimater. Je crois que vous aviez emporté des moutons d'abord. Nous avons commencé en 1950 à amener des moutons et d'autres animaux. Maintenant, n'oubliez pas toujours que les îles de Kerguelen, nous y sommes installés depuis 5 ans. Et c'est seulement maintenant, en 55 et en 56, que nous avons pu constater un peu le résultat de nos efforts. Les premières années, nous avons amené des moutons. Nous ne savions pas trop s'ils pourraient vivre. Nous avons emmené des porcs, des vaches, et nous avons amélioré surtout les endroits où ils habitaient. Nous avons construit par exemple une très belle ferme qui fait 18 mètres de long et 10 mètres de large, où nous avons actuellement une 50aine de moutons, des porcs, des vaches, des poules, des canards. Ces moutons et ces vaches sont les premiers que vous avez emmenés ou s'ils ont été renouvelés en cours de... Au début, nous avons emmené des moutons, et des moutons pour la consommation. Nous les avons simplement gardés. Et puis, peu à peu, nous avons été amenés à penser qu'il serait plus simple d'essayer de les faire reproduire et de les conserver sur place, d'avoir un troupeau qui s'accroîtrait d'année en année pour éviter, tous les ans, les achats en France. L'intérêt, ce serait d'avoir, je vous dis, moins de dépenses à faire, et d'autre part, approuver la possibilité d'acclimatation du mouton aux îles de Kerguelen. Alors, la première année, nous les avons gardés près de chez nous. En 1952, nous en avons placé quelques-uns sur une île au milieu de la baie, nous avons placé exactement 6 moutons. Il y avait un bélier, 4 brebis et un agneau. Pendant toute l'année 53, nous ne les avons pas revus. Pendant toute l'année 54, nous avons cherché et nous avons retrouvé simplement au mois de novembre 54. Ces 6 moutons abandonnés sur une île en juin 1952... Une île assez grande de superficie. Une île qui faisait quelques kilomètres carrés à peine. Oui. Ces 6 moutons abandonnés donc en juin 52 étaient devenus 15 en novembre 1954. Ah, oui. En un an et demi, un peu plus d'un an et demi, presque deux ans, en deux ans et demi plutôt, ils avaient plus que doublé. Et les animaux que nous avons trouvés sur cette île étaient des animaux magnifiques. Nous avons ramené un bélier un jour pour le manger. Ce bélier pesait 90 kilos. C'était presque un veau. La preuve est donc faite que des moutons dans des îles où ils peuvent trouver tout l'hiver leur nourriture, que des moutons donc peuvent parfaitement résister. C'est extrêmement intéressant. Et je pense que de cette façon-là, il arrivera un moment très proche, si évidemment il n'y a pas des milliers d'hommes aux îles de Kerguelen, où le troupeau que nous avons constitué depuis 5 ans pourra, par son croît annuel, suffire à l'alimentation de la population existante. Car il n'y a pas que les moutons. Oui, nous avons fait la même expérience sur les porcs. Les porcs, par exemple, les premières années, nous en avons emmené 2 ou 3. En 1954, par exemple, il y avait 4 truies et 2 verras. En fin 54, j'ai laissé une quinzaine de porcs là-bas. Et en 1955, quand je suis parti, après en avoir mangé pendant toute l'année, et j'en laissais 35. Nous sommes partis. Et comment 6. Les nourrissiez-vous alors ? Les porcs, nous les nourrissions avec les déchets de cuisine, naturellement. Oui. Et surtout, nous les nourrissions avec du manioc amené de Madagascar et des brisures de riz ou du son. Et puis alors, pendant l'été, nous les lâchons dans un enclos protégé par une clôture électrique. Et sans trouver grand-chose à manger, ils ont tout de même de l'herbe qu'ils aiment. Ils peuvent se vautrer dans le ruisseau, dans les zones un petit peu marécageuses qui sont là. Enfin, ils sont très bien. Et alors, comme oiseaux, il y a des poules et des canards aussi, vous nous dites. Comme oiseaux, des poules et des canards. Les poules ont une fâcheuse tendance à ne pas vouloir couver, ou pas trop. Pondent-elles au moins? Mais elles pondent pas mal. Oui. Et avec une centaine de poulains, nous arrivions à avoir, suivant la saison, de 15 à 30 œufs tous les jours. Oui. C'était déjà un précieux appoint. Et nous avons des couveuses artificielles. Notre garçon spécialement chargé de l'élevage a parfaitement réussi ses couvées. Nous mettions jusqu'à 50 et 60 œufs. De vos poules? Des œufs de nos poules. Oui. Mais par conséquent, si elles ne couvent pas, c'est parce qu'elles ne veulent pas couver, c'est pas parce qu'elles ne sont pas fécondées. Les coqs font tout leur devoir. Et alors donc, ces œufs que nous mettions en couveuse nous donnaient des poussins. Nous avions des éleveuses artificielles. Et après 3 mois, nous avons réussi à avoir chacun notre quart de poulet tous les dimanches. Enfin, il y a un dernier animal que j'ai gardé pour la fin, parce que je crois qu'il vous est particulièrement cher, c'est le renne. Les rennes, ça a été une belle aventure. Nous avons toujours pensé aux rennes depuis le début de notre installation aux îles de Kerguelen. Mais les rennes, il faut aller les chercher très loin. Nous sommes allés les chercher jusqu'en Scandinavie. Et une première fois, en 1952, nous avons amené des rennes. Malheureusement, ces pauvres rennes n'ont pas supporté le passage de la mer Rouge, n'ont pas supporté le Madagascar, et aucun n'est arrivé vivant aux îles de Kerguelen. Cela nous a non pas découragés, parce qu'un premier essai n'est jamais concluant. Et alors, en fin 1954, il y a des rennes que nous avons amenées et qui sont arrivées par avion jusqu'à Madagascar, pour leur éviter le trop long trajet, justement, de Marseille, Port Saïd, Djibouti et Tamatave. Toute la partie tropicale et... Les rennes sont arrivées, n'étaient pas en très brillant état. Mais ils se sont très rapidement remis sur pied, et nous avons construit pour eux un magnifique enclos de plusieurs hectares, où nous avons conservé 3 rennes pendant toute l'année 1955. L'un des rennes s'est échappé, et il s'est promené dans la nature. Pendant 6 mois, nous l'avons vu de temps en temps, et toute la fin de 55, nous ne l'avons plus revu. Mais je viens d'apprendre qu'il était revenu. Il a donc passé 1 an et quelques mois en pleine nature, tout seul, et il se porte magnifiquement, tellement bien, que je crois que les 3 autres rennes qui existaient à Kerguelen ont été lâchées pour qu'ils puissent maintenant se reproduire et vagabonder en toute liberté. J'espère que dans quelques années, on chassera le renne au Kerguelen comme on chasse le lapin dans les plaines de France. Ça sera un sérieux appoint. Et de toute façon, c'est une belle réussite de pouvoir acclimater des rennes dans un pays si déshérité. Évidemment. Maintenant, puisque nous en sommes à la question des menus, il y a un dernier point. Est-ce que vous pouviez, en dehors de cette viande fraîche fournie par les moutons, les vaches, les canards, les poules, etc., et les porcs, est-ce que vous pouviez vous procurer aussi des légumes et des fruits ? Les fruits, ma foi, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu. Les fruits, il n'y a pas de fruits de Madagascar. Il n'y a pas de fruits locaux. Enfin, il n'y a pas de fruits locaux, non. Je n'en connais pas, tout au moins. Mais les légumes, nous avons réussi. Nous avons commencé petitement, puisque c'est toujours une création, je vous parle. Nous avons commencé petitement avec des châssis chauffés, avec du fumier. Et puis ensuite, nous sommes passés aux châssis électriques. Et nous avons maintenant une serre. Ce qui fait qu'à partir du mois de novembre, nous avons des radis. En décembre, nous commençons les salades. Et jusqu'au mois de juin... Ce sont les mois d'été, là-bas. Oui, ce sont les mois d'été. Oui. Et pendant 8 à 10 mois de l'année, nous avons la verdure. Et pendant 6 mois, de la verdure abondamment. Je dis abondamment, toujours en supposant qu'il n'y ait pas une population considérable. Ce qui est peu vraisemblable, n'est-ce pas ? C'est assez peu vraisemblable. Mais les 50 hommes que nous sommes actuellement là-bas, nous avions des légumes verts 4 ou 5 fois par semaine. Oui, pendant la belle saison. Une nourriture vitaminée suffisante aussi de... Une nourriture vitaminée suffisante. Évidemment, il ne faut quand même pas avoir l'estomac trop difficile, parce que les conserves, jusqu'à présent tout au moins, ont fait la base de l'alimentation. Mais depuis 5 ans que je vais aux îles de Kerguelen, j'ai déjà constaté personnellement une grosse différence entre le régime de la première année et le régime de la 5e année. Quelle quantité et quelle nature de matériel ont été emportés là-bas ? Il nous fallait emporter tout le matériel nécessaire à l'installation de la vie d'une équipe de 25 à 30 hommes. Il fallait construire des bâtiments, il fallait construire les stations météorologiques et de radio. Il fallait emporter de quoi vivre, de quoi se vêtir. La préparation à Paris a été un gros souci pour nous. Nous avons commandé du bois, du ciment, des boutons de culotte, du chocolat, des moutons, des cochons. Il ne fallait rien oublier. À Paris, quand on a oublié quelque chose, on passe un coup de téléphone et le lendemain, c'est là. À Kerguelen, c'est un an après que nous aurions reçu une commande. Et n'aviez-vous rien oublié ? Oh, nous avons certainement oublié quelque chose, mais enfin, parmi tout ce qu'on peut oublier, il y en a tellement. Et alors, comment avez-vous fait pour débarquer tout ce matériel ? Nous avions la première année 1200 tonnes de matériel à débarquer. Sur quel bâtiment avez-vous voyagé ? Nous sommes partis sur un Liberty Ship des messageries maritimes. Mm-hmm. Le bâtiment n'était pas plein. Mais 1200 tonnes qui sont petits pour un port comme Marseille, bien équipé par exemple, quand il s'agit de les débarquer à Kerguelen, c'est une autre histoire. La mer n'est pas bonne, et surtout nous débarquions sur une plage de galets, un peu battue par le vent. Nous avions comme moyen de débarquement des radeaux pneumatiques, des vedettes, un chaland métallique. Mais enfin, tonne par tonne, il y a des jours où nous n'arrivions pas à un gros total le soir. Et enfin, vous n'êtes pas des débardeurs de métier. Oh, nous l'avons été. Nous l'avons été. Chacun y a mis la main à la pâte. Nous étions tour à tour matelots, dockers, camionneurs, chauffeurs. Nous avons fait tous les métiers pendant ce temps-là. Nous commencions à 4h du matin, au lever du soleil, et nous terminions à la nuit. Je dois vous dire que les 3 semaines de débarquement ont été une corvée pénible et en même temps très intéressante. C'était une épreuve, mais une épreuve qui nous a fait du bien à tous. Nous étions complètement morts à la fin de ces 3 semaines de débarquement. Mais tout était à terre et il n'y a pas eu d'accident. Alors il fallait s'organiser. Et comment avez-vous pu entreprendre ces premières installations ? Nous avons commencé par coucher sous des tentes, puisqu'il fallait bien, après avoir déposé le matériel, laisser repartir le bateau. De grandes tentes où nous couchions de véritables dortoirs. Il y en avait 3 consacrés au dortoir, 1 à la cuisine, et notre matériel était en caisse et part sur le terrain. Nous avons pu un peu le protéger avec des bâches, mais les bâches n'ont pas duré longtemps. Le vent s'est chargé de les mettre en pièces très rapidement. Tout de même, pour cette première installation, en 50, nous avons, au bout de 6 mois, nous avions déjà en place la station de radiotélégraphie, nous avions en place la station de météorologie, la centrale électrique fonctionnait, et nous avions construit 2 grands bâtiments qui couvraient chacun environ 800 mètres carrés au total. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, nous pouvions tous loger dans des chambres. Nous avions déjà l'eau chaude et l'eau froide courante, le courant électrique. Ma foi, quand les hommes étaient installés et logés, ensuite nous avons pu un peu souffler et organiser avec un peu plus de précision notre travail des mois suivants et des années à venir, je dirais même. Excusez-moi de vous interrompre, vous avez parlé de télégraphie. Est-ce que vous entendiez bien la France et est-ce qu'on vous entendait bien là-bas ? La radiotélégraphie se faisait avec la France, avec Madagascar et avec différentes autres régions, avec l'île de la Nouvelle-Amsterdam, avec l'Australie, avec le Cap. avec la Terra Deli même. Paris, nous avions 3 vacations par jour, et en graphie, nous entendions habituellement bien. Madagascar, toujours très bien. Sauf naturellement les jours d'aurore australe où c'était le blackout complet, il n'était plus question de passer un signal dans une direction quelconque. Et alors maintenant, passons au but de cette expédition. Quel est le travail qui s'opère dans ces stations scientifiques, au fond? Ben, nous sommes partis avec la mission de créer un établissement scientifique aux îles de Kerguelen. Nous devions naturellement d'abord matérialiser la présence de la France, et nous devions ensuite établir une station météorologique complète, établir des stations de séismologie, et par la suite, car je parle maintenant non pas de l'année 1950 seulement, mais de tout ce qui a été fait depuis, nous avons continué donc, depuis 1950, à créer les installations qui nous ont été demandées par les divers organismes scientifiques français. C'est ainsi qu'actuellement, en dehors de la station météorologique qui fonctionne régulièrement, nous avons une station de sondage ionosphérique. Les sondages ionosphériques, ce sont des spécialistes de la radioélectricité, je dirais, qui avec des appareils fort compliqués, à mon point de vue tout au moins, lancent des ondes, les recueillent, les photographient, envoient leurs résultats sur des centres internationaux, et à la suite de la comparaison des résultats obtenus dans les diverses stations du monde, on peut établir des prévisions pour la transmission des messages radio-télégraphiques. Cela permet de dire que, par exemple, de telle époque à telle époque, pour correspondre entre Paris et Saïgon, mettons, il faudra employer une longueur d'onde déterminée et non pas une autre. Parce que si on employait cette autre longueur d'onde, on aurait peu de chances de passer. Ça s'appelle le service des prévisions ionosphériques. Oui. Mais alors maintenant, vous avez besoin d'être lié avec le monde autrement que par la parole et par le son. Est-ce qu'il y a des possibilités pour l'aviation? Les possibilités de l'aviation, il faut... Un avion, je ne dirais pas qu'il peut voler tout le temps et partout, mais enfin presque actuellement. Oui, mais la question est toujours d'atterrir et de repartir. Kerguelen, les îles de Kerguelen sont isolées, elles sont à 4000 km de toute autre terre. Il faut donc, si on veut parler d'aviation aux îles de Kerguelen, établir un terrain qui ne soit pas simplement une piste de poche. Il faut une véritable piste bétonnée de plusieurs kilomètres de long. Et actuellement, il n'y a rien dans cet ordre-là. Nous avons trouvé, au cours de nos recherches, cela faisait d'ailleurs partie de notre mission, nous avons trouvé plusieurs emplacements, plusieurs terrains possibles, je dirais. C'est-à-dire des terrains à peu près plats, sur lesquels l'établissement d'une piste en béton, comme les pistes d'Orly ou de n'importe quel autre grand centre, serait possible. Maintenant, de la reconnaissance d'une possibilité à la réalisation, il y a loin, et pas mal de centaines de millions de francs surtout, qu'il faudrait mettre en jeu. Alors ceci est une question qui me dépasse, c'est un projet qui ne peut dépendre que du gouvernement ou même un projet international. Car une piste d'aviation aux îles de Kerguelen aurait surtout pour intérêt de couper la route, le Cap Australie. Oui. Il y a actuellement une ligne d'aviation qui va de l'Afrique du Sud en Australie, elle passe par au départ du Cap, elle va ensuite sur l'île Maurice. Des îles Maurice, elle fait un saut jusqu'aux îles Coco, et ensuite elle atteint l'Australie. Cela fait un détour considérable. Si une ligne d'aviation... Ça augmente le trajet presque d'un tiers, ça. Peut-être pas d'un tiers, mais enfin, il doit y avoir tout de même 11 ou 12 000 km en passant par l'itinéraire que je vous ai indiqué, alors que l'itinéraire Afrique du Sud, île de Kerguelen, Australie, ne représenterait que 8 000 km. Ça fait, oui, de l'ordre d'un tiers. Je vous remercie.